Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est une des grandes aventures de l'humanité que nous raconte Franck Ferrand aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous allons revivre en effet les tout débuts de l'aérostation, autant dire l'accomplissement par l'homme d'un rêve immémorial, voler comme les oiseaux. Marc Menant connaît bien l'histoire des premières montgolfières, il va nous en parler. Et moi je vais vous raconter la fantastique aventure de Pilâtre de Rosiers. Et à la fin de l'émission, vous n'oublierez pas de répondre à notre petite question du jour. Non, je n'oublierai pas, je ne pense qu'à ça. C'est Guillaume aujourd'hui qui voudrait connaître les origines de la mesure de la température, les degrés Celsius, les degrés Fahrenheit, etc. Je me dis que l'émission d'aujourd'hui pourrait avoir lieu au Conservatoire des Arts et Métiers. Ça irait très bien. Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Forcément vu la scène un jour ou l'autre représentée sur une gravure, généralement une gravure coloriée d'ailleurs, cet événement a été un des plus marquants du siècle des Lumières. Il a eu Versailles pour cadre comme il se doit. C'était un certain 19 septembre 1783. Ce jour-là, par une journée très ensoleillée, pour la première fois, un aérostat, un ballon, on dirait nous une montgolfière, va décoller en emportant des êtres vivants à son bord. Alors quand je dis des êtres vivants, attention, ce ne sont pas encore des êtres humains. Pour l'instant, les êtres en question se résument à un mouton, un coq, et un canard, on croirait presque un conte de Grimm. Et les voilà qui vont donc s'élever dans les airs. Pour permettre à l'aérostat de transporter ces animaux, il a été fabriqué spécialement. On a installé deux cônes de 13 mètres de diamètre à sa base. L'appareil lui-même, le ballon si vous voulez, fait 24 mètres. Il est gigantesque, hein, avec une contenance de 1000 mètres cubes. Et bien sûr, on l'a décoré pour la circonstance. Il est peint bleu azur, décoré de grande guirlande et avec les deux L entrelacées, les L du roi Louis, bien entendu, nous sommes sous le règne de Louis XVI et on est chez lui en plus puisque, je vous l'ai dit, on est dans la cour d'honneur du château de Versailles. Je crois même qu'on est un peu plus près du château que ça, on doit être dans la cour royale, tout à fait exactement. Alors, un test a eu lieu d'abord sans les animaux, le 11 septembre, dans la cour de la manufacture de Réveillon à Paris et l'essai a été concluant, donc le grand jour est venu, ce 19 septembre, jour de la présentation qui doit avoir lieu en présence du roi et de la reine et bien sûr de toute la cour. L'essai a été reporté parce que pendant la nuit, il y a eu une pluie violente qui avait complètement détrempé l'enveloppe. Elle s'est déchirée, elle était inutilisable et donc c'est 4 jours plus tard que l'on a permis à un autre ballon qui a été fabriqué. Il a fallu aller très vite. Ce ballon s'appelle Réveillon justement. Il fait 13 mètres de diamètre, 18,5 mètres de hauteur, donc un tout petit peu moins haut que le précédent, et il a été apporté à Versailles spécialement dans une voiture du garde-meuble royal. Et donc, le grand jour définitif, je vous ai dit tout à l'heure le 19, on est 4 jours plus tard, donc c'est le 23 septembre 1789 qu'a lieu l'essai. Il faut imaginer les gens qui sont là et qui vont assister, ils en ont parfaitement conscience, on les a longuement préparés à ce qui va se passer, ils savent qu'ils vont assister à un événement tout à fait majeur. Et parmi ces spectateurs, un certain Pilâtre de Rosiers. Alors, il faut imaginer un peu la scène. Vous avez une plateforme qui a été installée donc dans la cour royale avec un trou au centre où doit s'ajuster la base du ballon. Sous l'estrade brûle un feu alimenté avec tout ce qu'on trouve, hein, de la paille de vieilles chaussures. On met même des éléments animaux, de la viande, etc. pour produire le fameux gaz montgolfier. On va y venir tout à l'heure. Avant le décollage, le roi tout de même s'interroge. Vous savez que Louis XVI est particulier particulièrement intéressé par tout ce qui concerne la technique. Il fait le tour des installations. La reine, elle, attend à distance dans une petite tente qu'on a montée exprès pour l'occasion. Il faut dire que ça ne donne pas très envie d'approcher parce que l'odeur autour du ballon est très forte. Tout commence donc à 13h, le feu est allumé. Il va falloir 10 minutes pour que le ballon se gonfle et que la cage accrochée qui contient donc le mouton, le coq et le canard s'envole sous les ordres évidemment de celui qui préside aux opérations, Étienne de Montgolfier. On a accroché à l'aérostat un baromètre à mercure qui mesure l'altitude. Le roi observe à la lorgnette l'évolution du ballon qui s'élève dans le ciel et qui grimpe de plus en plus haut à 500 de nos mètres. Il vole comme ça pendant 8 minutes, poussé par le vent. Et il va se poser à la lisière de la forêt de Vaucresson. Les passagers, si j'ose ainsi m'exprimer, sont sains et saufs. Le coq tout de même sera blessé, dit-on. Tous les auteurs ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus. Mais enfin bref, il semblerait que le coq se soit cassé le bec dans l'atterrissage. Mais vous avouerez que c'est bien le moins qu'on pouvait espérer d'un pareil essai. Or, le premier à Vaucresson sur place à constater l'atterrissage, qui n'a pas été tout à fait un atterrissage en douceur, c'est un certain Pilâtre de Rosiers. On imagine les applaudissements dans toute la France, dans toute l'Europe. Les scientifiques applaudissent. Ils concluent que l'expérience a bel et bien prouvé qu'on peut respirer à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol. C'est la question qu'on se posait, bien entendu. Les montgolfiers sont partout loués, acclamés. Ils vont même être anoblis par le roi à la suite de leur exploit. Et vous connaissez leur devise. Nous irons jusqu'aux astres. Ils n'ont pas vécu assez longtemps pour voir ça, mais enfin, tout de même, ils sont allés pas mal. Alors, il faut vous dire qu'évidemment, tout ça n'est pas venu du jour au lendemain. Avant d'en arriver au vol habité, il a fallu déjà avoir l'idée de faire décoller comme ça un ballon. Cette idée, elle est donc née au sein de la famille des Montgolfiers. C'est que ce sont des gens qui vivent à Annonay. On a tous utilisé le papier qui sort de la célèbre manufacture et de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. On est donc dans l'Ardèche, chez cette grande famille de papetiers. Famille très nombreuse. Joseph, celui qui va nous intéresser, le premier, est le 12e enfant de la famille et Étienne est le 15e. Ils sont très amateurs d'expériences chimiques, ces deux enfants. Alors, ils n'ont pas le même caractère, évidemment. Joseph, c'est l'imaginatif, c'est le garçon bouillant, etc. Il y a Étienne derrière qui est toujours là pour le calmer, qui est beaucoup plus méthodique, beaucoup plus calme. Ils vont assez jeunes quitter leur région, l'un pour les comptoirs de Cayenne, l'autre pour venir travailler à Paris auprès de l'architecte Soufflot. Et puis, ils reviennent sur place dans le creuset, dans le berceau familial, pour aider à la fabrication du papier, pour améliorer la technique. Alors, par un jour d'éclaircie, Joseph a l'idée de construire un nuage artificiel, un nuage qui serait fait de vapeur d'eau et qui tiendrait en suspension dans l'air. Son idée, c'est d'enfermer de la vapeur dans une enveloppe de papier, qui a été fabriquée, inutile de vous le dire, par la manufacture familiale. Seulement, ça ne fonctionne pas, parce que l'enveloppe n'arrive pas à décoller, elle est trempée, bref, elle s'aplatit lamentablement au sol. Et c'est là qu'Étienne, je vous ai dit, Étienne, c'est l'homme méthodique, réfléchi, il va voler au secours de Joseph. Il se trouve qu'Étienne a lu le livre de Priestley sur les différentes espèces d'air, un livre paru en 1777. Alors, Étienne va avoir l'idée de monter cette expérience. Il gonfle son enveloppe avec une sorte d'air inflammable. Il mélange de l'acide sulfurique sur de la limaille de fer. Ça ne fonctionne pas. L'hydrogène s'échappe du papier. Ben oui, pour l'instant, on en est encore évidemment au tâtonnement. Alors Joseph pense à un autre phénomène. Il est là en Avignon, on est en novembre 1782. Il est devant un feu, devant la cheminée, et il imagine une nouvelle expérience. Il met au point une sorte de cube de taffetas qu'il gonfle d'air chaud. Celui-ci va s'élever dans la pièce jusqu'au plafond. Sans attendre, il écrit à son frère, sur du beau papier montgolfier bien entendu, « Prépare promptement des provisions de taffetas et de cordage et tu verras les choses les plus étonnantes du monde. » Europe 1, 14h, 15h. Au cœur de l'histoire. Thank you. Eric Idle et Michael Kamen sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Les Aventures du Baron de Munchausen. Et nous vous retrouvons, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur les montgolfières. Alors, retour à Annonay, dans la manufacture des frères montgolfiers. Nous sommes le 5 juin 1783 et là, les deux frères construisent une sorte de grand sac de toile de papier. Évidemment, ils ont tous les moyens pour le faire. Et dessous, ils vont alimenter un feu avec de la paille, de la laine mouillée, etc. Le sac se boursoufle, il commence à s'enfler et le voilà qui décolle et qui décolle et qui décolle et de plus en plus il va comme ça s'élever jusqu'à 30 mètres, enfin ce que nous appelons nous à 30 mètres d'altitude. Étienne parle d'une rupture d'équilibre et oui, on a réussi tout simplement grâce à l'air chaud à faire voler un engin, à faire voler un objet beaucoup plus lourd que l'air bien entendu. Alors, il faut vite présenter cette innovation extraordinaire. Ils pensent, les deux frères, à présenter leur découverte à l'Académie des sciences bien entendu. Une première démonstration officielle est prévue pour le 4 juin 1783, c'était une date à laquelle les membres des États du Vivarais tenaient leur assemblée à Annonay. Ça se passe dans la cour du couvent des Cordeliers. Le ballon qui a été choisi pour l'occasion est appelé diostatique ou aérostatique. Et entre nous, Joseph l'appelle Séraphine, lui. Il aurait aimé qu'on appelle ce que nous appelons les montgolfières, il aurait aimé qu'on les appelle les Séraphines. Alors, le ballon a été fabriqué, façonné dans de la toile d'emballage, doublé de feuilles de papier mince, ce qui fait un très bon isolant. Il fait 12 mètres de diamètre. Il est constitué de fuseaux de couleur bleue et rouge qui sont rassemblés par près de 2000 boutonnières. Faut imaginer, c'est très beau à voir en plus cet objet. Et le jour de la présentation, on a installé 4 mâts, une estrade, un feu au centre qui est entretenu donc sous l'enveloppe du ballon. Ça fait une fumée entre parenthèses épaisse et suffocante. Il faut imaginer les gens qui sont là. Il y a presque un millier de spectateurs et d'un coup, l'enveloppe s'arrondit, elle se gonfle d'air chaud. Et voilà qu'elle est propulsée dans le ciel jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Elle va retomber assez rapidement à cause d'une pluie fine qui a éteint le feu. Mais enfin, l'engin retombe quand même 2 kilomètres plus loin. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que non seulement l'expérience est réussie, mais qu'elle va fasciner tout le monde. C'est un grand succès. Un rapport est immédiatement adressé à l'Académie. Les montgolfiers sont invités à renouveler leur exploit, cette fois à Paris. Il faudrait pas croire pour autant que tout ça se déroule sans aucun heurt. Imaginez la mentalité de la population de l'époque qui ne voit pas d'un bon œil ces ballons qui s'élèvent comme ça dans le ciel. On est encore plein de superstitions à l'époque. Après la démonstration de Pilâtre, une femme avec son bébé dans les bras demandera, là on est donc en région parisienne, on est à Versailles, elle dira « À quoi ça sert toutes ces nouveautés ?» Sauf que juste à côté d'elle, il y a un certain Benjamin Franklin qui se retourne vers elle et qui, la regardant avec son nourrisson, dit « Et un nouveau-né, à quoi ça sert ?» Plus tard, des paysans s'étonneront de voir voler comme ça ces engins. En septembre 1783, deux charretiers de Gonesse voient une boule descendre du ciel. Ils sont effrayés, ils s'enfuient à cheval. Ils se retournent dans leur course et ils voient cet engin inconnu qui tombe à terre, se remue, s'agite, bondit et tourne. Ils sont pris d'une peur panique, bien entendu. Alors la grande question qui se pose, c'est de savoir si l'on va pouvoir envoyer des hommes dans le ciel. Louis XVI est très réticent, pour tout vous dire. Le roi a peur des risques. Il se dit que c'est trop dangereux. À la limite, pourquoi pas si l'on trouvait un condamné à mort qui serait candidat. Seulement, Étienne de Montgolfier, donc l'inventeur du ballon, est réticent. Il va préférer attendre. Et le premier qui va risquer ce vol, c'est celui dont nous allons parler avec Marc Menant dans un instant. Le premier homme à monter dans un aérostat, ce sera Pilâtre de Rosiers. On est là en novembre 1783. Rappelez-vous, Pilâtre avait assisté au premier vol en montgolfière, en premier vol en ballon habité, avec le coq là et le mouton. Il ne rêve que d'une chose, prendre la place des animaux et voler lui-même. Alors, que fait-il ? Il a beaucoup de relations, etc. Il se présente à Étienne de Montgolfier et il essaie de le convaincre de l'aider à fabriquer une montgolfière capable de transporter un homme. Il arrive à conquérir assez rapidement la confiance de l'inventeur et ensemble, ils vont mettre au point ce nouveau ballon beaucoup plus sûr. Le 10 octobre 1783, ce ballon est prêt. L'entraînement a lieu dans la cour de la Manufacture Royale de Papier. On est donc rue de Montreuil à Paris. C'est la manufacture que dirige Jean-Baptiste Réveillon, qui est un ami de longue date d'Étienne Montgolfier. Le but, c'est d'essayer d'apprécier d'abord la force ascensionnelle du ballon et puis sa stabilité, surtout s'il s'agit de faire monter quelqu'un dedans. On fait beaucoup d'essais. Il faut imaginer les Parisiens de l'époque qui voient chaque jour monter cette espèce de grosse balle, bulle colorée, volante, là, qui surgit au-dessus des toits de Montreuil, retenus par des cordes, ils doivent être complètement sidérés de ce qu'ils voient, bien entendu. Le ballon est bien gardé, les curieux ne peuvent pas approcher, bien entendu, ne serait-ce qu'à cause des dangers que ça pourrait comporter. La grande première, c'est le 14 octobre de cette année 1783. Étienne de Montgolfier grimpe lui-même dans le ballon et il va monter dans les airs. C'est pas évident parce que maintenant, le réchaud est embarqué, bien entendu, pour faire voler le ballon. Et donc, il faut l'alimenter constamment avec de la paille, etc. C'est difficile. Montgolfier n'est pas le seul à monter, d'ailleurs, parce qu'un évêque qui s'appelle Monseigneur Dillon est également accueilli au cours d'une expérience. Le ballon est retenu captif, bien entendu. Chaque montée est un danger, disons-le. Un jour, le ballon risque de se déchirer, il frôle un arbre, c'est Pilâtre de Rosier qui est ce jour-là à la manœuvre. Il a la présence d'esprit de réactiver le feu pour reprendre un peu de hauteur. Mais tout le monde est bien conscient du danger. Même les admiratrices de Pilâtre de Rosier, vous allez voir dans un instant qu'il en avait de nombreuses, tremblent pour lui, bien entendu. Et d'ailleurs, peu avant la fameuse grande expérience du 20 novembre 1783, il va recevoir un mystérieux paquet avec deux pistolets. À quoi servent-ils ces pistolets? Eh bien, ils vont permettre aux aéronautes de se suicider dans le cas où les choses tourneraient mal. Vous voyez un peu dans quel état d'esprit on se trouve. Pilâtre de Rosier va donc être le premier homme à risquer le vol dans un aérostat. Il a réussi à obtenir maintenant le consentement du roi et après une demande à l'académie qui avait été refusée, le roi finit par lever l'interdit. La date du décollage est prévue pour le 20 novembre 1783. Reste à trouver un terrain. C'est la princesse de Polignac, l'amie proche de Marie-Antoinette, vous savez, qui élève les enfants royaux dans le bon air de la campagne, au château de la Muette. C'est elle qui propose les pelouses du château parce que il y a là donc des prés, il y a la surface nécessaire, il y a des vignes, il y a des arbres qui permettent de couper le vent. Bref, l'endroit paraît parfait. On installe sur ces pelouses de la Muette deux mâts, une estrade, un foyer, tout ça est monté pour l'occasion. Quand même, Pilâtre a une petite appréhension. C'est un casse-cou, mais jusqu'à un certain point. Et au savant Macaire qui lui demande jusqu'où il pourra aller, il répond « L'impossibilité de diriger cet appareil volumineux, le peu de densité ou de pesanteur atmosphérique rendent la machine absolument impraticable. » Tout de même, M. Pilâtre de Rosier a prévu de se faire accompagner dans son vol par le major, le marquis d'Arlande, et il a d'ailleurs conseillé au marquis d'Arlande de prendre sa flûte à toutes fins utiles, des fois que là-haut, on s'ennuierait. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à votre récit sur les montgolfières. L'événement aurait dû entrer dans l'histoire à la date du 20 novembre 1783. Seulement ce jour-là, il y a des tornades, du vent, de la pluie. Bref, par sécurité, on va préférer différer d'un jour. Et c'est donc le 21 novembre 1783 que, devant Monseigneur le Dauphin, sur les pelouses de la Muette, le ballon emportant Pilâtre et d'Arlande va pouvoir donc décoller. Il faut imaginer toute la cour du Dauphin. Tout le monde est là, les savants, les nobles dames, les seigneurs, enfin tout ce qu'il y a d'un peu important à Paris et à Versailles a accouru à la Muette, bien entendu. L'aérostat est haut de 21 mètres avec un diamètre de 13 mètres. Il pèse 800 kilos pour un volume de 2200 mètres cubes. L'enveloppe a été enduite à la détrempe, ignifugée par une peinture à base d'alun. La partie basse du ballon a été renforcée de taffetas de soie. Elle se termine par une sorte d'entonnoir auquel un réchaud métallique léger est suspendu. Il faut imaginer ensuite la galerie d'osier qui entoure tout le foyer pour les passagers. C'est de là qu'on va pouvoir alimenter le feu en paille, bien entendu. Toute la partie supérieure de l'aérostat est entourée de fleurs de lys qui surmontent les 12 signes du zodiaque. Ça doit être absolument magnifique. Alors en fin de matinée, le ballon est gonflé, il est prêt à décoller, à prendre le large, mais voilà une rafale de vent qui plaque tout contre un mât. C'est la déchirure. Il va falloir réparer la toile. C'était un faux départ. Il est presque 14 heures lorsque qu'on s'y remet, si je puis dire. Le combustible est chargé, on attise le feu, les deux pilotes montent à bord. Je ne sais pas s'ils sont tellement rassurés. Pilâtre, donc, est accompagné du major d'Arlande. Ce major d'Arlande est célèbre. C'est lui qui a fait les fameuses expériences de parachute du haut de la carrière à Montmartre quelques temps plus tôt. Les voilà donc tous les deux dans la galerie d'osier, de 2,5 pieds de large. Le top, si je puis dire, est donné par l'inventeur du ballon, l'un des deux inventeurs, Étienne de Montgolfier, qui crie « Lâchez tout !» Et évidemment, On va tout lâcher, c'est parti, le ballon décolle, il pivote sur lui-même, Pilâtre commande les manœuvres, François d'Arlande alimente le foyer avec une fourche, ils utilisent de la paille et des matières animales qu'ils brûlent dans ce réchaud. C'est cette chaleur qui permet au ballon de se développer, de gonfler, de s'élever dans le ciel, et peu à peu, le sol s'éloigne, le public rapetisse. Ils n'ont pas choisi de parcours, évidemment, nos deux premiers aérostiers, ils se laissent pousser par le vent, ils essaient de faire comme ils peuvent, mais de toute façon, il n'y a aucun moyen à l'époque de diriger l'aérostat, bien entendu. Alors, ils survolent le couvent de la Visitation sur la colline de Chaillot, avant de suivre le lit de la Seine en direction là-bas, du sud-est, de Fontainebleau. Le ballon prend la direction des Invalides avant de passer devant Notre-Dame. Mais vous imaginez que ces messieurs sont les deux premiers êtres humains à pouvoir contempler comme ça un paysage et des monuments depuis le ciel. Ils sont en plein vol. Ils ont l'air détendus, monsieur le marquis. Si vous eussiez emporté votre flûte, on aurait pu jouer, dit donc Pilâtre de Rosier. Ils vont finir leur vol après avoir franchi la barrière d'Italie, donc la porte du mur des fermiers généraux qui est à l'emplacement de l'actuelle place d'Italie. Là, l'engin perd bien entendu de l'altitude. Alors, il passe tout près d'un bâtiment au bord de la Bièvre et il va se poser en douceur sur le pré de la Butte aux Cailles, entre le Moulin des Merveilles et le Moulin Vieux. C'est l'abbé Rochon qui fera le rapport de tout ça et qui raconte qu'ils sont montés à une hauteur de plus de 367 toises, c'est-à-dire environ 650 mètres. Ils ont parcouru 7202 mètres, le tout en un peu plus de 17 minutes. Arrivés au sol, évidemment, ils sautent à terre parce qu'il ne faut pas oublier qu'à tout moment, la montgolfière pourrait prendre feu. C'est d'Arlande qui le premier met pied à terre et puis il aide Pilâtre à se dépêtrer, parce qu'il faut vous dire que Pilâtre s'est pris dans la toile et que ça pourrait devenir très embêtant cette affaire. On les rejoint, inutile de vous dire qu'il y en a qui sont partis à cheval, à bride abattue pour aller au devant. On ne sait pas où ils allaient atterrir, donc on ne pouvait pas les attendre. Mais évidemment, on les rejoint. Il y a là des gens très importants, j'allais dire toute la cour à cheval. Le comte de Laval, le duc, la duchesse de Polignac, bien entendu. Même le duc de Chartres, le fils du duc d'Orléans, le cousin du roi, donc, est là pour les féliciter. Le duc de Chartres en question, c'est le futur roi Louis-Philippe. Et il vient féliciter, dit-il, les dieux de l'atmosphère portés par des nuages. Au château de la Muette, les membres de l'Académie des sciences attendent. Alors, que s'est-il passé? Ils se sont écrasés? Sont-ils morts? Mais sont-ils en vie? Mais que se passe-t-il? Mais non, messieurs, ils sont en pleine forme. Et Benjamin Franklin pourra écrire... Il y a quelques mois, on aurait trouvé aussi impossible et ridicule l'idée de voir des sorcières s'élevant dans l'atmosphère sur un manche à balai que des savants montant dans l'air attachés à un sac de fumée. Bonjour Marc Menant. Bonjour Franck. Nous savons un peu ce que sont maintenant les ballons, les aérostats, les montgolfières, comme nous disons nous aujourd'hui. Ce que nous ne savons pas encore, c'est qui était ce monsieur Pilâtre de Rosier. Heureusement, vous êtes là pour éclairer notre lanterne. Vous nous parlez cet après-midi dans Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand, des montgolfières, avec votre invité Marc Menant, journaliste et écrivain. Alors Marc, évidemment, on va revenir sur toute la vie de Pilâtre de Rosier, qui est un véritable roman d'aventure. Le personnage est incroyable, mais avant ça, deux ou trois petites précisions sur ce que je viens de raconter. J'ai dit notamment que le roi finit par donner son accord, c'est parce qu'il y a sa femme, il y a la reine qui est là, évidemment, voilà, et qui connaît bien Pilâtre, on va voir pourquoi tout à l'heure. Voilà, ils sont devenus, je dirais, presque des intimes. Elle adore ce personnage qui l'émerveille, qui la sort de cette quotidienneté qu'elle supporte mal, comme on le lit dans votre excellent, mais non, dictionnaire. Merci de faire de la publicité. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a nombre d'anecdotes, si l'on a le bonheur de vous lire, où on découvre cette vie de Versailles et qui réapparaît là, et dans cette vérité. Et en l'occurrence, donc, Marie-Antoinette est fascinée par ce personnage qui invente toujours, et entre autres, lorsqu'il va mettre au point une bougie. Et lorsque lui s'auto-proclame Pilâtre, c'est-à-dire qu'il écrit dans le journal de Paris, je suis le seul à pouvoir prendre les commandes de cet engin. Mais il ne se contente pas de cette déclaration. En même temps, il écrit à l'Académie des sciences et il explique pourquoi, effectivement, ce rôle doit lui échoir. Et l'Académie ne veut rien savoir. Bah si, justement, la limite, là, on entérine en quelque sorte. Ça va lui permettre. Mais toujours est-il que le roi, lui, comme sur ses positions, pas d'homme dans l'espace, c'est trop dangereux et je ne cautionnerai pas cela. Mais Marie-Antoinette essaie de lui dire, mais attendez, sire, admettez, c'est un symbole formidable pour le roi que vous êtes, ça restera dans l'histoire. Et d'ailleurs, elle avait très bien vu, parce que c'est peut-être l'événement, finalement, après tout ce qu'on peut dire, le plus important du règne de Louis XVI. Voilà. Et alors, le roi, il lui faut être diplomate. Il fléchit sur la position, mais il ne peut céder officiellement. Il dit, si monsieur le dauphin veut bien l'accueillir, fils, hein, qui est son fils, veut bien l'accueillir, le gamin il a 6 ans, vous pensez bien. Et donc, bah, c'est un simulacre, c'est une sorte de théâtre. Mais c'est un moyen de ne pas, au cas où ça tournerait mal, de ne pas... C'est pas le roi qui est responsable. Voilà, c'est ça. Il n'a pas avalisé. Il n'a pas engagé la personne royale. En voilà, fait, voilà, voilà. Et donc, bon, ça c'est le premier élément qu'il est bon de préciser. Le deuxième, c'est que le marquis d'Arlande a été au pensionnat avec Étienne de Montgolfier, parce qu'ils sont nombreux à vouloir être le lest, car là, c'est un rôle passif. Oui, il s'agit de faire du poids. Voilà, faire du poids. Et d'aider, et d'aider à alimenter le fourneau. Mais lorsqu'il est dans les airs, le marquis qui se prenait pour un héros, le voilà soudain qui est en pleine pétoche. Et lorsqu'il s'agit de prendre la fourche pour mettre la paille, etc., il a le bras tellement tremblant et surtout un peu fixe qui fait que le ballon commence à descendre. Et il faut que Pilâtre de Rosier l'insulte pour qu'il reprenne activité. Et lorsqu'à un moment vous dites « ils fléchissent, on a l'impression qu'ils vont s'écraser », c'est parce que justement, on est dans cette crise de morale du marquis et qu'il faut donc à Pilâtre le rappeler à l'ordre pour qu'à nouveau le ballon s'élève. On peut se dire que s'il avait été en osmose avec le même courage que Pilâtre de Rosier, peut-être que le vol aurait duré un peu plus longtemps. Courage ou inconscience, parce que ce que vivent ces hommes à ce moment-là est tout à fait invraisemblable. Nous, ça nous paraît presque naturel. Enfin, quand même, de voir passer les Invalides d'un côté, Notre-Dame de l'autre, ça devait être complètement... C'est d'une excitation totale, mais sauf qu'ils sont dans la préoccupation, c'est comment se maintenir dans les ailes. Et n'oubliez pas, vous l'avez fort bien souligné, Franck, c'est-à-dire que cette machine, on ne la maîtrise pas. Elle ballotte dans tous les sens, il n'y a pas d'assise et vous n'avez rien pour vous tenir. Et en plus, il faut essayer d'être actif dans la manœuvre. Alors l'autre point, c'est quand ils vont finir par se poser, le marquis d'Arlande va se précipiter à Versailles et il va dire « c'est moi l'homme de l'exploit ». Parce que ce qui est étonnant, c'est que Pilâtre de Rosier, qui est un aventureux, mais au sens noble du terme, comme on va le détailler dans donc toute son existence. Un aventurier même, oui, en fait. Oui, et un homme de science, il se réfugie dans ce qu'il a créé, qui est une sorte d'académie de la connaissance, de l'intelligence, qui est le grand musée, là où il convoque les savants, où il donne des cours. Il veut rédiger le bilan de son vol. C'est-à-dire qu'il échappe à toutes les réceptions pour pouvoir mieux analyser et préparer l'avenir de la Montgolfière. Alors, qui est-il, ce monsieur Pilâtre de Rosier ? Expliquez-nous un peu le personnage. C'est parce le fils d'un ancien militaire qui semblerait était fils d'une liaison adultère et qui bénéficie de haute protection. De telle sorte que quand il termine sa carrière, un budget lui arrive, il va pouvoir monter une auberge dans l'enceinte de Metz qui vient d'être construite. Et lui, il ne rêve que d'une chose pour son petit bonhomme, c'est de le voir un jour sous l'uniforme. Mais voilà-t-il pas que ce gaillard-là... Il s'appelle comment le petit bonhomme d'ailleurs ? Jean-François. Jean-François Pilâtre de Rosier. Et il est un rebelle. Pas du tout le genre à se mettre le doigt sur la couture et à dire « j'obéis, que nenni ». Et tout de suite, il montre non seulement cette indépendance d'esprit, il n'est jamais dans les jeux avec les autres, les billes, les toupies, les petits amusements de l'époque ne l'intéressent pas. En revanche, on le voit partir flâner dans la campagne, non pas pour regarder les petits oiseaux, mais pour quérir quelques fleurs, constituer un herbier, essayer de comprendre comment éventuellement même elles peuvent se reproduire. Et puis il y a des pierres aussi, il est géologue. Un esprit hyper curieux. Ah, mais c'est invraisemblable. Et le soir, eh bien, il s'enferme et il cherche à lire. C'est un personnage donc que le père ne peut pas comprendre. On va le placer en pension. Mais un gaillard de ce type, bien évidemment, que subir le cours des professeurs lui est impossible. Donc c'est le chahuteur qui est puni. Et le soir, eh bien, là où les autres commencent à dormir, il est dans la bibliothèque à faire des lignes supplémentaires. Mais ça ne lui suffit pas. Il a la chance d'être face à des livres. Les livres, c'est l'univers, c'est la prospérité de l'esprit et la curiosité qu'il a qui le taraude. Et il va chercher les livres de physique et de chimie. Et un soir, le père, parce que c'est un curé qui mène l'établissement, bien sûr, oui, entre et il voit le petit bonhomme effondré sur la table, pris de compassion. Il va voir quel est cet ouvrage. Ne serait-ce pas un livre interdit ? Ah non ! C'est un livre de physique. Du coup, il le découvre sous un autre angle et il va essayer de faire en sorte que ce personnage qui aime les sciences puisse, de façon empirique, tout seul dans son coin, développer cette curiosité qui est donc le germe même de ce qui va le conduire à plusieurs inventions. Mais dans l'avenir immédiat, on le prédestine à être chirurgien. Alors à l'époque, vous allez dans les hôpitaux, il faut ouvrir les cadavres, mais c'est un délicat. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'esprit enthousiaste et pour autant une physiologie extrêmement capricieuse. De sorte qu'il ne supporte pas ce que l'on lui demande au quotidien. Oui. Alors, il va falloir s'adapter. Et à nouveau, le père qui rêvait d'une carrière à peu près acceptable pour son petit bonhomme, on va le placer chez un apothicaire. Enfin, il va être dans la discipline, non d'un chien. Eh bien non, là encore, le voilà qui, au lieu d'obéir pour obéir, commence à avoir des suggestions auprès de cet apothicaire, qui là est émerveillé, qui se dit « il faut l'aider ». Il le prépare même à devenir son héritier, celui qui prendra boutique lorsqu'il sera à la retraite. Mais rester à Metz ne l'intéresse pas, il veut monter à Paris. Il faut remarquer aussi qu'on lui demande... Parenthèse, le fait d'être à Metz va lui permettre de rencontrer un certain nombre de personnages, voilà. À Lafayette... Alors, mais c'est ce que j'allais vous dire, mon cher Franck, c'est-à-dire que quand on vient de mettre au point un assemblage, donc une concoction et autres, c'est lui qui devient le garçon de course. C'est comme ça qu'il découvre le duc de La Rochefoucauld, qui n'a que 7 ans de plus que lui. Et là, et on verra que ça va l'aider, il a une sorte d'innocence insolente, c'est-à-dire au lieu, dans ce monde qui est extrêmement strict, d'être là et dans la révérence, oui. Aussitôt, il entame la discussion et il interroge, il pose des questions. Et cet homme de science qu'est La Rochefoucauld va finir par le suivre dans ses errances botaniques et dans la collection de pierres. Il sera son protecteur plus tard. Il va lui faire connaître Lafayette, tant et si bien que Pilâtre de Rosiers, fils de la roture d'une certaine manière, sera l'un des invités au mariage de Lafayette. Et quand il monte à Paris... Ce qui est étonnant, c'est que cet esprit curieux, cette capacité qu'a le jeune Jean-François Pilâtre de Rosiers à se faire des relations, etc., sont en train tout simplement de modifier sa destinée. C'est-à-dire que non seulement lui s'épanouit, etc., mais il est comme il est, tout simplement. Et pas en courtisan, Franck. Mais non, c'est ça. Et ça le fait, si j'ose dire, un peu comme les ballons dans lesquels plus tard il grimpera, ça le fait monter, entendu. Il a du culot. Il a du culot. Curiosité. Un culot naturel. Voilà, voilà. Bon. Et donc, le voilà à Paris. Alors il va rencontrer, il est même chose, chez un apothicaire. On lui dit un jour, il faut aller chez le docteur Weiss, lui porter cette préparation. Le docteur Weiss, c'est pas n'importe qui, c'est l'un des médecins du roi au château de la Meuthe. Il a été aussi l'un des médecins du roi Stanislas. Alors imaginez les relations qui sont siennes. Le roi Stanislas qui était le père de la précédente reine. Voilà. Et alors, il se trouve que ce docteur Weiss a inventé une sorte de potion qui concerne les femmes après l'allaitement, afin que les glandes de ma mère retrouvent un lot normal dans leur utilisation. Donc, là encore, plutôt que de déposer simplement la petite potion magique qu'on lui a demandé de porter, il entre en conversation, il interpelle ce monsieur que l'on aborde qu'avec déférence, et l'homme, plutôt que de s'offusquer, est au contraire très en empathie avec lui. Ils vont passer la nuit ensemble et il va l'accueillir dans son laboratoire. D'ores et déjà, il le destine à devenir, pour le coup, son héritier chercheur. Quand vous dites qu'ils passent la nuit ensemble, c'est une nuit de conversation, bien entendu. Ils vont faire des inventions, hein. C'est là qu'on va pas entrer dans tout le détail. Alors il lui assure une rente, oui. Ce qui va lui permettre soudain d'apparaître en noblesse lorsqu'il va dans les soirées. En habit, voilà. Tout ça. Mais sauf que dans les soirées, il n'y reste pas, pour deux raisons. Parce qu'il préfère être à l'étude. Et puis par ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est d'une santé fragile, tellement fragile qu'il est végétarien. Il s'impose ce régime tout seul parce qu'il n'y a que comme ça que ses intestins restent calmes. Et le voilà donc qui surprend tout le monde et il est amoureux de Madame Weiss. Mais bien évidemment, pas question de tromper celui qui lui apporte tant. Et on lui propose en plus, on lui suggère que la main de la jeune fille de la famille se lui est promise et celle-ci est en pâmoison devant le beau Jean-François, mais elle n'est pas la seule. Et ce gaillard-là, entre deux études, partout, c'est incroyable. À Paris, mais aussi à Versailles, et on va sauter quelques mois, si je puis dire. Ce qui est incroyable, c'est qu'il est remarqué par la propre belle-sœur du roi, la comtesse de Provence, celle qu'on appelle Madame à la cour. Oui, mais ça, c'est grâce à Madame Weiss. Quand Monsieur Weiss décède, aussitôt elle le prend sous sa protection. Là, il lui dit « Mais madame, je vous aime ». Elle lui dit « Oublions cela. Vivez, tel que mon mari l'a envisagé, en savant. Et il vous faut une situation. J'ai des relations et quelque temps après, elle lui dit, vous allez être nommé valet de Madame la Comtesse de Provence. Le voilà valet. Alors aujourd'hui, on dit, bah, non, non, c'est pas grand-chose. Très prestigieux. Mais, alors que ça anoblit, ça lui vaut l'épée, etc. Et il va se retrouver à côté de cette femme qui est boudée par son mari, et pour autant, on lui prêtera une relation avec elle. Voilà. Mais le comte de Provence va s'enticher de ce gamin. Qui est le frère de Louis XVI, le futur Louis XVIII. Hein. Complètement. Il s'entiche de ce gamin. Il fait tout pour qu'il puisse s'exprimer. De là, bah, la prospérité de l'esprit joue. Il va inventer un procédé pour le phosphore. Il va inventer un masque à gaz. Passons sur les détails. Il invente la fameuse bougie dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec une mèche. Et alors, dans les soirées, les aristocrates le convoquent. Montrez-nous encore, monsieur Pilâtre de Rosier. Faites-nous rêver. Vous disiez qu'il avait les faveurs de Marie-Antoinette. C'est comme ça que c'est venu, évidemment. Voilà. Parce que c'est le même cercle, hein, évidemment. Et chaque soir, presque, elle lui demande pour de nouveaux invités d'agir. Et lorsqu'il réussit l'exploit du premier vol, elle est toute heureuse d'avoir été sa complice. Mais quand on a la bénédiction de personnes aussi puissantes, de temps en temps, il faut des réciprocités. Et il se trouve que, tout le monde le sait, Marie-Antoinette a cette relation de cœur, peut-être de chair, je ne sais. Apparemment, c'est plus en tout des cas, deux. Mis de cœur, voilà. C'est sûr. Avec Fersen. Avec Fersen, hein. Le bel étranger. Suédois, oui. Voilà. Et le roi de Suède va venir à Paris. Et pour essayer de briller et de montrer à cet amant tout l'amour qui est le sien, elle veut lui organiser un vol. Elle prend le prétexte de la visite du roi Gustave III pour qu'un nouveau vol avec Pilâtre de Rosier ait lieu. Mais il se trouve que le ballon qui est à disposition chez Réveillon est un ballon sur lequel Étienne de Montgolfier a préparé d'autres intentions, en quelque sorte. Et alors, ce qu'il va falloir dire, et on y vient dans un instant, c'est que Montgolfier, avec son pilote, si je puis dire, Pilâtre de Rosier, n'est pas le seul. Il y a des concurrents, bien entendu, dans cette affaire. Il y a notamment le ballon de Charles, avec un autre pilote qui lui s'appelle Blanchard. On y vient. Jean Podromides sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Le Voyage en ballon. Et vous nous en parlez des ballons cet après-midi, Franck Ferrand, dans Au cœur de l'histoire. Vous nous parlez des montgolfières avec votre invité Marc Menant, journaliste et écrivain. Quittons un instant Pilâtre de Rosier, si vous le voulez bien, Marc Menant, pour évoquer les concurrents des frères montgolfiers dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a d'autres aérostiers dès cette époque. Hein. Ah bah oui, mais disons que ça s'est joué à peu de choses. Un physicien parisien qui s'appelle Jacques Charles. Jacques Charles. Alors lui, sa conception du ballon n'est pas du tout avec l'air chaud, mais avec l'hydrogène, ce qui est beaucoup plus dangereux, mais qui permet potentiellement, tout du moins dans sa théorie, de plus grandes performances, et ça va vite s'avérer. Et ce Charles, bien évidemment, voulait être le premier dans les airs, lui aussi, sauf qu'il ne bénéficiait pas de la protection de Marie-Antoinette. Et donc, il lui faut voir partir le ballon de Montgolfier, et ensuite, pour autant en tirer bénéfice en demandant l'autorisation d'un autre vol qui va avoir lieu au Champ de Mars. Et là, toute la foule parisienne qui vient s'enthousiasmer. Et en pilote... On a envie de dire, le deuxième, c'est toujours un peu plus facile, forcément. Oui, oui, oui, voilà. Mais, et puis... Bah, et encore plus attrayant, parce que là, on se dit que celui-là, on ne peut pas le manquer. Et à bord, en pilote, un dénommé Blanchard. Et ce Blanchard n'est pas un scientifique comme l'est Pilâtre de Rosier. Il faut savoir aussi que Pilâtre de Rosier, dans tout ce qu'il a généré jusque-là, a eu cette bonne idée qui est le fruit de sa passion, de ces débordements de science qui bouillonnent en son esprit. Il a créé le musée. Le musée, c'est pas du tout un lieu où on vient regarder je ne sais trop quoi. Non, c'est l'endroit où il veut convoquer tous ceux qui sont des inventeurs, des savants. Voilà, c'est l'Académie des sciences. Voilà, complètement. Mais avec une dynamique, il y donne des cours. Il est là dans cette... engagement total, où il passe ses nuits à relire les textes des uns et des autres, à les adouber, à être dans la créativité, et ce qui lui vaut donc d'être d'autant plus en place vis-à-vis de tout le cercle de l'intelligence qui gouverne Paris à cette époque-là. N'oublions pas cette époque d'effervescence incroyable. Oui, mais il y a une autre très grande puissance en Europe à l'époque, c'est l'Angleterre, plus jeune puissance commerciale en tout cas. Et évidemment, ce qui se passe en Angleterre impressionne et inquiète beaucoup Pilâtre de Rosier. Oui, mais c'est parce que notre ami Charles, lui, va très vite se dire, comme Pilâtre de Rosier, l'exploit maintenant à réaliser, et comme il a été doublé sur le premier vol, ça serait de franchir la mer, de franchir la Manche. La Manche, traverser la Manche. Alors tout à l'heure, je vous ai dit... Marie-Antoinette veut un vol pour faire plaisir à son amant. Et Pilâtre de Rosier va en quelque sorte voler le ballon qui était en stagnation chez Réveillon. Et ça déclenche un scandale et il se fâche avec les montgolfiers. Et de là, il va essayer de concevoir sa propre machine. Et il se dit, plutôt que d'avoir uniquement ce ballon à air chaud, eh bien, si je le combinais avec une partie hydrogène. Il invente une machine exceptionnelle. Et là, il y a l'un des ministres, Calonne, qui l'appelle et qui lui dit « Il faut, pour l'honneur du roi, que vous soyez le premier, puisqu'il l'a dit, il l'a clamé, je veux faire la Manche, faut que vous soyez le premier, voici les crédits. » Je vais traverser la Manche, voilà. En l'occurrence, oui. Allez-y, voilà l'argent, mais il faut surtout que vous soyez donc dans la tentative, bien avant notre ami Charles, qui lui est sous la protection du duc de Chartres. Et là, il y a une sorte de concurrence, parce que ça voudrait dire que le roi est doublé. Et Charles va s'exiler en Angleterre. Il n'est pas idiot, il a bien réfléchi. Les courants sont plus porteurs quand on part d'Angleterre pour venir aller vers en France, la France. Et oui, et que l'inverse. Voilà. Et alors, notre Pilâtre de Rosier, avec sa machine rutilante sur laquelle il a énormément travaillé, c'est également l'enseignement de tous les vols qui ont été les siens. Il a noté comment, en jouant sur les dépressions, le ballon commence à être dirigeable, comment on peut donner une stabilité à la nacelle. Bref, il est fier, il est certain maintenant d'avoir franchi un seuil qui donne un espoir d'une machine où l'homme possède véritablement la capacité d'être un oiseau. Et non pas aller au gré du vent. Mais de son côté, le Charles, il est quand même extrêmement productif et il trouve un protecteur en Angleterre qui sera son passager. Et les voilà chacun de son côté. Mais la météo n'est pas favorable en France. Et il attend là à Calais, notre ami Pilâtre de Rosier. Ça nous rappelle ce qui va se passer un peu plus de 100 ans plus tard, voilà, avec les avions. Hein, exactement, même. Exactement. Avec la TAM, Blériot et tout ça. Et alors il peste et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Il est tellement inquiet qu'il finit par prendre un bateau. Et là, il est malade comme il n'est pas permis parce que la Manche est démontée. Il va chez ce duc de Geoffrey qui va être le passager de Blanchard. Et il tombe en pamoison pour la première fois de façon sérieuse devant une petite Esther qui n'a que 17 ans. Et il lui déclare l'amour. Apparemment, le coup de foudre est réciproque. Il ne pense presque plus qu'à ça. Mais bon, ça lui fait oublier ce tracas de voir le Blanchard décoller avant lui. Mais il lui faut repartir maintenant de l'autre côté. Et la compétition entre les deux équipages. Mais le surlendemain, il apprend que s'est posé Blanchard. Qui a bien traversé la Manche. Qui a bien traversé la Manche. On est le 7 janvier 1785. Et là, c'est l'effondrement, la fin du rêve mirifique d'avoir été à la fois le premier homme dans les airs, le premier à être au-dessus de la mer. C'est fini. Et alors là, il est presque beau joueur. Il dit, ben alors, c'est trop tard, à quoi bon ? Il y a sans doute d'autres choses à imaginer. Et il veut renoncer. Mais Calonne lui dit, attendez mon petit bonhomme, Vous m'avez promis, vous avez vu l'argent que je vous ai donné, et vous voudriez comme ça maintenant laisser l'affaire, il n'en est point question. Il faut redorer le prestige du roi, c'est lui votre protecteur. Et il le force. Et le voilà à nouveau en attente, avec une météo. Bien évidemment, cette machine qu'il a inventée, elle est exposée à toutes les intempéries. Alors, lorsque soudain on commence à envisager, on n'a pas les prévisions météorologiques d'aujourd'hui, on a l'impression que ça va s'améliorer, on fait gonfler le ballon, il brûle, on en regonfle un autre. Et à la fin, c'est une sorte de machine de bombe volante, oui. Voilà, qui est là, prête à partir. Et quand on se dit qu'il est temps d'y aller, il y a un jeune noble qui se précipite et qui lui dit « Prenez-moi avec vous, s'il vous plaît. Je veux être de cette grande aventure. » Et il lui dit « Vous m'en remercierez. Restez en dehors de la nacelle. Je pense que c'est pas la bonne aventure. » Et là, la foule est là. Il faut y aller, il y a le vent. On y va comme c'est presque une marche au supplice. Là, oui, on a l'impression. Et alors, le 15 juin 1785. Et il faut savoir qu'il a rédigé son testament. Vous vous rendez compte, cet homme qui a été le premier à monter dans l'espace, qui l'a fait, je dirais, avec dans une confiance... Dans les airs, en tout cas. Oui. Voilà. Il l'a fait dans une confiance absolue, ne prenant pas ce type de précaution. Il n'a que 31 ans, et voilà qu'il rédige un testament. La machine monte, la foule exulte, le ballon qui est là, mais soudain on a l'impression qu'il vrille un peu, il chancelle, il descend. Ah mais, oh joie, il remonte. Et puis, malheureusement, le mouvement inverse. Et là, c'est pas qu'il descend, c'est qu'il chute. Il va falloir essayer de le retrouver. On se dit qu'avec miracle, pourquoi pas. On a vu le ballon s'effondrer. Hein, ah oui, c'est vraiment la chute comme une pierre. 27 minutes après l'envol. Voilà. Et lorsqu'on arrive sur place, eh bien, on ne peut que constater que Pilâtre de Rosiers et son jeune physicien qui s'appelait Romain, voilà, sont morts. Ce jeune garçon qui a fait rêver le siècle, qui a donné à l'homme l'espoir né avec Icare, que cet espoir pouvait vraiment être une réalité. Mais comme Icare, il s'y est un peu brûlé les ailes. C'est vrai aussi. Je me permets de vous rappeler que vous m'aviez promis un petit scoop, Marc, au début. Eh oui, c'est que dans tout cela, on est dans le cocorico, les montgolfiers, Pilâtre de Rosiers, le concurrent est encore un Français, et puis l'autre pilote, donc Charles, et l'autre pilote, Blanchard. Et si ce n'était pas tout à fait la réalité? S'il n'y avait pas eu un vol avant ces gens-là, oh non, pas un vol humain, ça se serait su, mais simplement le vol d'un ballon. Eh bien oui, on a retrouvé un document datant de 1709, au Portugal, devant le roi, un dénommé Gusmão, G-U-S... Gusmão, on dit. Hein. Voilà. Oui. Avait convoqué la cour et il avait, devant les nobles réunis, le roi ahuri, fait décoller un engin. Mais c'était tellement invraisemblable qu'il a disparu, car on l'a considéré comme étant porteur des pires sorcelleries. Vous voulez que je vous dise, Marc, vous avez fait décoller cette émission. Merci beaucoup. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Guillaume, qui nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1. Guillaume aimerait savoir pourquoi on utilise le degré Fahrenheit plutôt que le degré Celsius pour rendre compte de la température aux États-Unis. Oui, la question de Guillaume nous ramène à Galilée. Vous savez, on est en 1592 quand le fameux astronome, avec l'aide de son ami Sanctorius, va mettre au point le thermoscope, qui est un instrument qui sert à déceler les variations de température. Et puis, en 1654, à Florence, est inventé le premier véritable thermomètre. À partir du début du XVIIIe siècle, on va tenter de perfectionner encore la mesure de la température en proposant les premières échelles. Et voilà, nous y arrivons. En 1724, c'est un physicien allemand. Il s'appelle Fahrenheit. C'est lui, il est déjà l'inventeur depuis quelques années du thermomètre au mercure. Eh bien, c'est lui qui va proposer l'échelle des températures qui porte son nom, l'échelle Fahrenheit. Or, en 1730, le français Réaumur est le premier à proposer une échelle qui tient compte du point de congélation et du point d'ébullition de l'eau. C'est plus rationnel, si vous voulez. Certains diraient c'est plus français. Cette idée-là, elle sera reprise en 1742 par un savant suédois qui s'appelle Anders Celsius. C'est lui qui va mettre au point la deuxième échelle, la fameuse échelle centésimale de 0 à 100, avec pour référence donc le passage de l'eau de l'état liquide à l'état solide. Fait surprenant quand même, on retiendra qu'à l'origine, l'échelle Celsius était inversée par rapport à celle que nous connaissons aujourd'hui. Le zéro, c'était le point d'ébullition de l'eau, tandis que le degré 100 marquait son point de congélation. Finalement, on a fait faire au thermomètre, on va dire, la grande culbute, et c'est bien entendu l'inverse qui est vrai aujourd'hui. Alors, la France a donc été pionnière dans ces questions. Les travaux scientifiques de la Révolution vont aboutir à l'adoption d'un système d'unité décimale. Et en 1794, eh bien, la France adopte l'échelle de Celsius. Et depuis, chez nous, et c'est à la différence d'un certain nombre d'autres pays, et notamment des États-Unis dont nous parlait Guillaume, eh bien, chez nous, on mesure la température sur une échelle en degrés Celsius.